on avait dit qu'il était autorisé de parler après l'Isha lorsque la personne avait la nécessité, lorsqu'il y avait une nécessité à cela. Les frères qui ont apporté pour couper les sonneries, et les sonneries avec musique, il faut les effacer carrément. C'est pas les. Il y a eu celui qui a son portable qui l'éteigne, et celui qui a mis de la musique comme sonnerie, qui l'enlève et qui met un bip ou qui met une autre chose autorisée par la religion. Enfin, il y a tout le monde, mais c'est le bab ou le tazkir et le soubhi, fi awali waqtiha wa huwa taglis. An Aisha radiallahu anha qalat, kunna nisa' al-mu'minat, yashhadna. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروقهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلد. حديث متفق عليه. Ensuite le cheikh dit qu'il est préférable استحباب التذكير للصبح في أول وقتها, qu'il est préférable de faire la prière de الصبح au début de son heure, qui est appelé التغليل. Selon Aïcha radiallahu anha, elle a dit, les femmes croyantes au temps du prophète alayhi salatu wassalam assistaient à la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mutalaffi'atin bimurutihim, ay mustatiratin wujuhuhunna wa abdanahun. Mutalaffi'atin bimurutihim, c'est-à-dire qu'elles se couvraient le visage et le corps d'al-murut. Al-murut, c'est un habit connu qui est un habit que portent les femmes au temps du prophète alayhi sallam. ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلد. Puis elles retournaient chez elles après avoir accompli la prière, personne ne les reconnaissait à cause de الغلد. الغلد, les savants ont dit, هو بقايا ظلمة الليل, c'est le reste des ténèbres de la nuit. Et d'autres savants ont dit, وَاَخْتِلَاتُ بِيَاءِ الصُّبْحِ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ. D'autres savants ont dit, الغلط, c'est le mélange entre la lumière du صبح et les ténèbres de la nuit. Yani c'est un moment où ni il fait nuit, ni il fait jour, mais c'est un mélange entre les deux. Et dans le hadith, لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَطِ. Personne ne les reconnaissait, c'est-à-dire ne reconnaissait ces femmes. Mais la valette, quand elle faisait sombre. Et on comprend du hadith que ce qui fait ou ce qui a fait que les femmes, lorsqu'elles sortaient, on ne les reconnaissait pas, c'était la nuit qu'il faisait. Et non pas le fait qu'elles portaient al-murut. Car on a dit al-murut mutalaffi'at min al-murutihin, ce signifie que les femmes se couvraient le visage et le corps. Parce que certains savants ont compris cela. On dit qu'ils n'étaient pas reconnaissables. Pourquoi? Car elles portaient un mourous. Elles se couvraient le visage et le corps. Donc c'est pour cela que personne ne les reconnaissait. Et la plupart des savants ont dit non, elles n'étaient pas reconnaissables car il faisait nuit encore. C'était Al-Ghalat, pas la nuit mais Al-Ghalat, entre la nuit et le jour. Autrement dit, que le prophète alayhi sallam faisait Salat al-Subh au début de son heure. Au début de son heure, et lorsque les femmes accomplissaient la prière avec le prophète sallam et qu'elles partaient, les femmes étaient les premières à partir, ils ne les reconnaissaient pas à cause de Al-Ghalat. يقول المؤلف متى يكون مدركا للوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه إيه جست إنه رمارك نكسيكاتون رمارك الحافظ ابن حجر رحمه الله بنية الحديث. قال الحافظ في الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. وكان première chose الحافظ ابن حجر رتني في الحديث c'est qu'il est préférable de s'empresser à faire la prière du صبح au début de son heure. وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل. Et il est autorisé aux femmes de sortir à la mosquée pour accomplir la prière du Fajr même lorsqu'il fait nuit. ويؤخذ عنه جوازه في النهار من باب أولى. Et il est encore plus autorisé à la femme

les mécréants s'y prosternent, c'est-à-dire se prosternent devant le soleil. Inch'Allah, on continuera l'explication de ce hadith, car il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith la semaine prochaine. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.